Aujourd'hui les petites catas à la recherche du bifton. C'est fini l'époque du prince charmant. Elles tapent toutes dans la cour, fument le pédo, mettent des prénoms sur la peau. Elles prennent le skate pour un calmant. Elles veulent qu'on les dépose en gova. Elles veulent taper des poses en dura. Sur les MSN elles font les poupées. Sur Sky c'est la même que des chiennes. Elles veulent tout en oseille, s'arranger ses forats. J'fais pas confiance aux meufs qui sortent la nuit. Capuche sur le fantail, sur sa vie. Moi j'suis plutôt poussé qui est poussé. Mais aujourd'hui c'est rare, je le sais aussi. Je n'ai connu que des cassos. Vu que des tasses perdent l'apparence et des basses fausses. Dans la tête c'est déclassé. Je suis ce que je suis. Elles sont comme elles sont. Toutes des michetonneuses avec rasé. Je ne veux plus d'amour. Pas avec une putain. Pas avec une putain. J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Qui vont se plaindre chez les miens. Qui vont se plaindre chez les miens. Mon cœur palpite plus. Mon cœur palpite plus. Depuis longues années. Depuis longues années. Allez-y donner votre cul. Allez-y donner votre cul. Faites l'amour comme des chiens. Faites l'amour comme des chiens. Aujourd'hui, je cherche à me caser. Un homme pour quatre femmes, j'aurais pas de mal à trouver. Faut-il encore changer mes habitudes, des ambiances hardcore. Empli d'incertitudes, oh si c'est mon sort. Par à la dérive, Inch'Allah, à croiser la route d'une femme halal et d'ici, suspendu à ma passion. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et moi, accroché à mes valeurs, j'attends mon heure, préserve mon bonheur des voleurs. Tout est dit. Mon horoscope m'indique qu'aujourd'hui j'aurai un signe d'elle. Et puis sur terre, elle sera la seule à me faire pousser des ailes. Munie de patience, pour elle, ce serait la plus belle des récompenses. Je ne veux plus d'amour. Pas avec une putain. Pas avec une putain. J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Qui vont se plaindre chez les miens. Qui vont se plaindre chez les miens. Mon cœur palpite plus. Mon cœur palpite plus. Depuis longues années. Depuis longues années. Allez-y donner votre cul. Allez-y donner votre cul. Faites l'amour comme des chiens. Faites l'amour comme des chiens. Aujourd'hui la descendance d'Adam ou Hawa, c'est Sodome mais comment. La RBN s'appelle Clémence. À cause de leur père Maria Deguer. Ils sont fondus dans la masse. Ils ont vendu leur enfance. Ils veulent lire la Bible et renie la mer. Car l'islam est vraiment dur avec les gens qui aiment la Bible. Elles préfèrent la vie de mec en mec. Elles disent qu'elles sont trop jeunes. Car elles ne veulent pas de mari. Elles apprécient la levrette, le bouche à bouche. Qui fait la quéquette et le touche à touche. Préfère une fille du blé. Mais tu sais de pure souche. Alhamdoulilah, même le jour où elle accouche. Je ne suis pas pour celles qui pédassent. Sont passées pour des princesses et tout dans les caves. Moi je suis plutôt pour celles qui font la hiérarchie. Et dans la zerme, ils pensent à rester braves. Je ne veux plus d'amour. Pas avec une putain. J'en vois tous les jours qui vont se plaindre chez les miens. Mon cœur palpite plus. Depuis de longues années. Allez-y, donnez votre cul. Faites l'amour comme des chiens. J'ai besoin de toi. Un gros dans un droit chemin. Par l'amour d'une maseau pour un chien. Que tout n'est pas mort pour tout. Attiré par le rêve qu'apporte le vent. J'ai besoin de toi. Un gros dans un droit chemin. Par l'amour d'une maseau pour un chien. J'ai besoin de toi. Que tout n'est pas mort pour tout. Attiré par le rêve qu'apporte le vent. Je ne veux plus d'amour. Je ne veux plus d'amour. Pas avec une putain. Pas avec une putain. J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Qui vont se plaindre chez les miens. Qui vont se plaindre chez les miens. Mon cœur palpite plus. Mon cœur palpite plus. Depuis longues années. Depuis longues années. Allez-y donner votre cul. Allez-y donner votre cul. Faites l'amour comme des chiens. Faites l'amour comme des chiens.